de faire de la politique. Mais la France, messieurs, dames, vit un moment critique. Des gens dorment dans la rue et d'autres meurent de froid. Même les chiens de la rue dorment à la SPA. Les restaurants du cœur ne devraient plus pallier à toutes les erreurs que fait la société. L'enfoiré, quel malheur nous a abandonnés. Lui qui savait quoi faire pour la précarité. Dans le pays où l'on vit, il faut se réveiller, arrêter de payer tout ce qui nous oublie. Dans le pays où l'on vit, on devrait enfermer tous les gens qui n'ont pas le respect de la vie. Si l'on ne peut plus compter sur le gouvernement, il faudra l'ignorer, compter sur nous seulement. Le temps qu'ils disent que le pays va mieux, qu'ils nous font des promesses et prennent ça pour un jeu. Pour finir cette chanson, j'aurais voulu parler de ce foutu pognon géré par les banquiers. Acheter une maison, créer ta société. Ils te prêteront sans jamais rien risquer. Dans le pays où l'on vit, il faut se réveiller, arrêter de payer tout ce qui nous oublie. Dans le pays où l'on vit, on devrait enfermer tous les gens qui n'ont pas le respect de la vie. Dans le pays où l'on vit, jamais tu t'écartes à l'heure du droit chemin. Ils abattront leurs cartes, ils ne te laisseront rien. Ils ne se priveront pas d'envoyer les huissiers. La France est faite comme ça, il faudrait tout changer. Tout changer. Tout changer.